Merci beaucoup. Donc, un petit droit de réponse, et puis on ouvrira le débat. Petit droit de réponse. Non, j'ai pas grand chose à répondre parce que j'ai beaucoup appris en vous écoutant. Et donc, j'ai plein de références biographiques, dont les vôtres d'ailleurs, que j'ignorais. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée que la promesse doit être liée avec l'idée de croyance et avec l'état d'esprit. Ça me paraît tout à fait judicieux. Le point sur lequel. Il y a deux points sur lesquels je pense que je pourrais discuter ce que vous avez dit. Le premier point concerne la question de la sympathie. Parce que je pense que moi, je suis peut-être un peu troublé par mon approche un peu smithienne, enfin via Smith de Hume. Et il me semble assez. Pour moi, il me paraît très clair, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, que la théorie des sentiments moraux a été écrit en grande partie pour essayer de répondre à cette difficulté soulevée par Hume, mais la théorie du spectateur impartial est exactement, selon Smith, alors maintenant on peut discuter de l'efficacité de la réponse, mais qu'elle est construite pour répondre à cette question d'obligation. Donc, comme j'ai cette perspective-là de recherche, je me cantonne à dire ben voilà, il y a un problème chez Hume. Et ça m'intéresse parce que c'est un problème que va essayer de résoudre Smith. Ça fait un lien fort. Mais je n'ai pas essayé donc d'essayer de dire est-ce qu'on pourrait sauver dans les termes humains cette question-là. Ensuite, il y a une question dans ce que vous venez de dire, quelque chose de très important. Bon, j'ai pratiquement pas parlé dans le texte et encore moins dans l'exposé. C'est qu'évidemment, il y a la théorie donc, du gouvernement comme d'une petite élite qui, elle, aurait effectivement, elle serait capable de voir le général et ne pas rester cantonné au particulier, donc d'accéder à la justice. Moi, c'est une question que je me pose, que je n'ai pas osé poser par écrit, mais que je peux poser par oral. C'est que peut-être que les essais moraux, la dimension, enfin, la série publiée en 52, donc celle dont j'ai parlé, a été provoquée par le fait que Hume se rencontre au Walpole et que les dirigeants anglais ne sont pas forcément soucieux du bien commun et capables d'apprécier, de maîtriser la passion martiale des Anglais, justement. Donc, par conséquent, il en faut un petit peu plus qu'un petit groupe d'aristocrates bienveillants à la tête du gouvernement. Donc je pense qu'en revanche, il faut que ça débouche sur la question de la constitution optimale et d'utopie. Donc c'est. Voilà, j'ai pas grand chose. Non, mais je suis d'accord avec votre réponse. Je pense aussi que Smith est bien plus convaincant que Hume sur cette question-là. Enfin, convaincant, non. Mais en tout cas, il essaye. Moi, ça ne me convainc pas beaucoup, mais j'aimerais bien. Hein, j'aimerais bien être convaincu par Smith, mais hélas. Bon. Merci beaucoup pour ce très beau dialogue. Je voudrais juste peut-être introduire un petit élément supplémentaire dans le débat et puis on ouvrira. Par rapport à Hirschman, c'est vrai que là où Hume est intéressant, c'est qu'il prétend qu'il y a une autorégulation de l'intérêt, pour le dire dans les termes d'Éléonore de Jalé. Donc il ne s'agit pas d'une passion extérieure à l'intérêt lui-même, mais en un sens, l'intérêt prend des voies obliques pour se satisfaire et donc s'auto-limite. Il n'y a pas besoin de passion compensatrice extérieure en quelque sorte. Il n'y a pas de modèle de passion compensatrice parce que l'intérêt est cette passion qui se compense elle-même en quelque sorte devenant intelligente pour mieux se satisfaire. Donc ça c'était un élément qui paraissait intéressant dans le contexte de nos discussions. Ce qui m'intéresse aussi peut-être, c'est le dialogue qui date de déjà 1992, hein, donc ça remonte quand même, entre David Gautier et Annette Bayer sur cette question que vous avez évoquée tous les deux. Qui est la question en fait de la promesse, du rapport promesse-justice, du sensible naïve, je sais pas, moi je traduis par fripon intelligent, cette question qui est de savoir finalement si on peut s'en tenir au modèle du choix rationnel, pour le dire vite, hein, ou si Hume est cohérent dans sa théorie de l'obligation morale. Et ce que je trouve que Annette Bayer montre très bien, notamment dans son dernier livre qui s'appelle Cautious Virtues, c'est qu'en fait Hume, dans le traité de la nature humaine, ne peut pas défendre une véritable théorie cohérente de l'obligation morale, qu'il essaye de la corriger dans l'enquête sur les principes de la morale, notamment dans les appendices, où il revient sur la théorie de la sympathie et peut-être renie en un sens le traité hein, sur cette question, si bien qu'en fait, en compliquant un peu ce modèle, on se demande si finalement on peut complètement s'en tenir à ce passage du traité de la nature humaine pour essayer de comprendre le modèle humien, parce que ces chapitres sont d'une... finalement, sont parfois sophistiqués. linguistique. Hein, voilà. Je pense que... Enfin, je vais dire une énorme banalité, parce que je pense que Hume est vraiment important parce qu'il a posé des questions, pas par les réponses qu'il a apportées. Les réponses qu'il a apportées sont précisément insatisfaisantes, et c'est en ça que Hume est vraiment un des auteurs qui a... Et les questions sont formidables, et c'est en cela qu'il a fait bouger toute la philosophie. Hein. Et donc, essayer de construire des réponses humiennes aux questions humiennes, et je suis d'accord, je pense que soit on dit, je pense que je ne suis pas d'accord du tout avec la position de Gautier qui dit Hume est un cynique. Il a un double discours. Mais au contraire, je pense qu'effectivement, il y a une énorme difficulté que Hume rencontre et qui a fait bouger beaucoup de monde. Quoi. Et c'est pour ça que c'est important. Ouais, tout à fait. Question, suggestion, Catherine Notard. Oui, moi j'avais une question, mais c'est vraiment une demande de, plutôt que de clarification et de discussion. Cette croissance exponentielle de la dette publique, nourrie par les passions guerrières, impérialistes, etc. Chez Hume, il y a quand même quelque chose qui est vraiment crucial, c'est le sens de la modération. Parce que, par exemple, dans son analyse des circonstances de la justice, il parle d'un égoïsme modéré, d'un amour de soi modéré, d'une sympathie modérée. Alors, je me demande quand même, est-ce que vous n'avez pas forcé le trait dans cette description des passions guerrières? Est-ce que, parce qu'il est quand même... Hume est quelqu'un quand même qui met toujours un peu la pédale, qui montre donc qu'il y a bien sûr des passions intenses, mais qui est négative, destructrice, mais qui... Il y a d'autres éléments qui interviennent. Enfin, il a un tel sens de la complexité. Je suis un peu, c'est ça ce que je voulais, la question que je voulais poser. Est-ce que c'est aussi simple que ça, aussi net que ça, sans le style? Le discours sur la dette publique, c'est lui qui le dit. Ou bien le crédit public tuera la nation, ou bien la nation tuera le crédit public, de mort violente ou de mort naturelle. Alors on peut dire que c'est peut-être un effet de phrase. Mais je ne vois pas pourquoi, vu l'enjeu politique de la chose, je ne vois vraiment pas pourquoi il prendrait un risque politique aussi important, parce qu'on ne plaisantait pas trop quand même avec ce genre de choses à l'époque. Pensait que, après tout, je veux dire que le début du XVIIIe siècle britannique, tout le monde le sait bien, que l'institution majeure hérité de la révolution de 1688, c'est aussi la Banque d'Angleterre, et que la Banque d'Angleterre a été faite, pourquoi? Pour financer la guerre de succession d'Espagne. Et ensuite, il y a eu l'affaire de la Compagnie des Mers du Sud, qui s'est présentée sous des auspices Tory, cette fois-ci non plus Whig, mais qui était... C'est quelque chose d'extrêmement important, c'est quelque chose... C'est une activité brûlante, je pense pas que ce soit l'effet de manche. Et c'est dans Hume, c'est tout, il fait le livre. Et je pense que tous ces discours dits économiques, qui sont tous publiés sans laisser sur les coups du pouvoir l'Europe, se prennent leur sens par rapport à cette inquiétude que la dette publique fait, selon lui. C'est très intéressant de comparer avec Smith de ce point de vue-là. Smith n'est plus du tout inquiet par la dette publique, pour une raison très simple. C'est que ce qui manque à Hume et que ce qu'il y a chez Smith, c'est que Smith a l'idée que le jeu économique n'est pas un jeu à somme nulle. Alors, peut-être l'a-t-il emprunté à Turgot et à Keynes, c'est fort probable, peu importe. Ce qui est important, c'est que là, le paysage économique change radicalement, parce qu'effectivement, la croissance économique la croissance économique est plus fondée sur l'excédent des échanges extérieurs et qu'elle peut engendrer un produit qui, donc, il est plus... Ce qui inquiète Smith est très inquiet aussi, hein. Ce qui inquiète Smith, c'est pas la dette. Ce qui inquiète Smith, c'est encore autre chose. C'est la proximité, la partialité du gouvernement mercantile. Oui, Karl. Il me semble que normalement, les gens du 18e siècle qui n'aimaient pas la dette, mais pas non plus le luxe. Dans le cas de Hume, il y a une exception, si on pense à l'essai sur le luxe de Hume. Et donc, si on veut répondre un peu la thème du colloque, ça veut dire si le commerce est du ou non, est-ce qu'il y a une contradiction entre cet essai sur la dette et l'essai sur le luxe? l'essai sur la dette, c'est sur la dette publique. Oui. Donc Hume est parfaitement ne pas très enthousiaste avec ne considère pas que la substitution du crédit à la monnaie soit quelque chose d'essentiel et de tout à fait heureux. Mais dans certains cas, ça peut aider. Il a une position modérée là, hein, sur le crédit privé. Mais par contre, c'est sur le crédit public. C'est-à-dire sur le fait que ce soit l'État qui emprunte et que l'État. C'est pas du tout la même chose. Non, le crédit public, c'est pas du tout la même chose que le crédit privé. Si je vous prête 100 euros, monsieur, et qu'avec ces 100 euros, vous fassiez telle et telle affaire, vous allez produire des biens, vous allez vendre. Vous n'avez pas le pouvoir d'exiger de vos clients qu'ils vous achètent de telle sorte que vous puissiez me rembourser. Et si vous êtes l'État, je sais que vous avez le pouvoir d'exiger de vos contribuables qu'ils payent les impôts qu'ils me rembourseront. Et ça change tout. C'est pour ça qu'on aime prêter à l'État. C'est la dette souveraine. Elle a un inconvénient, c'est qu'elle peut être répudiée, mais elle a un énorme avantage, c'est que l'emprunt public et le titre public est le titre le plus sûr qui soit. À tel point que les bons du trésor sont considérés par les économistes comme faisant partie directement de la masse monétaire. C'est comme de la monnaie. Donc c'est une différence essentielle entre le crédit public et le crédit privé. Donc le crédit privé qui permet le luxe, mais pas le crédit public. Il serait pour l'austérité, alors. Comment ? Pour l'austérité. Absolument. Mais bien sûr, mais parce que il est mercantiliste d'une certaine façon. Il ne voit pas ce que verront les physiocrates, ce que verra Smith et Ricardo et Marx, à savoir que normalement, une économie en croissance est capable d'engendrer les richesses qui vont permettre de rembourser les emprunts. C'est ce que verra Keynes aussi. Mais si on est le degré zéro de la pensée économique, c'est cette pensée qui consiste à dire on ne peut pas dépenser plus que ce qu'on gagne. Si on ne peut pas dépenser plus que ce qu'on gagne, on serait toujours dans la situation des Indiens d'Amérique décrits par Smith. Eux, ils ne dépensent pas plus que ce qu'ils gagnent. C'est pour ça qu'ils sont pauvres. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Oui. Bon, vous avez opposé Hume et Smith sur cette question de la dette, effectivement, à juste titre, mais il y a quelque chose qui les rapproche quand même, je crois, c'est la dénonciation, et c'est en rapport avec la dimension martiale du commerce, et non pas pacifique. Mmh. Ce que Hume lui-même appelle la jalousie commerciale. La jalousie commerciale, et j'aimerais savoir, parce que je ne connais pas très bien Hume, très content que vous en parliez. J'aimerais savoir comment ça s'articule avec le problème de la dette publique et comment ça s'articule peut-être avec, puisque Catherine Audard a insisté sur le caractère nuancé des analyses de Hume, avec peut-être d'autres dimensions que Hume relève à propos du commerce, qui seraient peut-être plus positives. Et qui fait que quelqu'un comme Didier Deleuze, qui n'a pas pu venir, hélas, aujourd'hui, en faisait un précurseur du libéralisme économique. Voilà, dans votre question, il y a plein de choses. Et une première chose, c'est la chose que je ne suis pas d'accord, ni avec Deleuze, ni avec Bizou, d'ailleurs, c'est leur façon, que je trouve très, très maladroite, d'associer systématiquement le discours économique, l'analyse économique et le libéralisme économique. On peut être économiste sans être libéral économique. D'abord, le libéralisme économique, c'est vraiment d'avoir un anachronisme affreux. Et moi, je pense qu'on n'a pas le droit. Autant on peut être anachronique lorsqu'il s'agit de théorie. Et non seulement on doit être anachronique, donc je peux m'intéresser à la théorie d'Aristote aujourd'hui et être anachronique de ce point de vue-là. Autant lorsqu'il s'agit de doctrine et d'idéologie, ce qui est le cas du libéralisme économique, ce n'est pas de la théorie, il n'y a pas de théorie du libéralisme économique, il s'agit d'une simple doctrine, là au sens strict, autant là, on n'a pas le droit de faire des anachronismes. Donc le libéralisme économique, je vous le rappelle, c'est une notion qui apparaît dans les années 1840 en France, on entend une grande pensée française, le terme, hein. Vous savez aussi bien, je parle devant Mme Moya, qui sait aussi bien que moi que le libéralisme n'a pas du tout le même sens en France et aux États-Unis, bon, ou en Angleterre. Bon. Donc le libéralisme économique est une notion qui a été inventée par les économistes français au moment où ces économistes français étaient en pleine bataille contre les légitimistes et contre le mouvement ouvrier. Bon. et qui ont les libéraux dans les années 1840, je pense à Blanqui, enfin le frère, je pense à Blanqui et d'autres, qui disent, eh bien de la même façon que les libéraux politiques, Benjamin Constant, les libéralistes politiques aussi, c'est le terme apparaît avec Benjamin Constant en gros, hein, de la même façon que les libéraux sont contre l'intervention de l'État dans les matières religieuses, de la même façon, nous libéraux, nous économistes, nous sommes libéraux parce que nous sommes contre l'intervention de l'État dans les matières de droit du travail. Puisqu'aussi bien les légitimistes à la Villermé que les premiers syndicalistes, enfin, qui n'étaient pas encore des syndicalistes, les premiers mouvements ouvriers, demandaient une réglementation des contrats de travail. Bon, donc, ils se sont opposés à cette réglementation en disant que l'État n'a pas pu intervenir dans les affaires privées qui sont les relations contractuelles, qu'il n'a à intervenir, comme le disaient les libéraux, en matière privée que sont les affaires religieuses. Bon, c'est tout. Donc le libéralisme économique, pour désigner l'économie en général, et Hume en particulier, me paraît absolument trompeur. Hein. Ça, je suis totalement contre. Bon. Donc ça, c'est un premier point. Bon. Deuxièmement, en ce qui concerne pose votre question, qui concerne qui est très compliquée, plus difficile, sur le rapport entre Hume et Smith. Sur la jalousie commerciale. Sur la jalousie commerciale, bien entendu, aussi bien Smith que Hume sont totalement hostiles aux mêmes ennemis. C'est le système mercantile que la jalousie commerciale exprime. Et donc, mais ils utilisent des arguments différents. Donc l'argument de Hume est un argument que j'ai rappelé rapidement, qui est l'argument monétaire, qui est lié au fait que ce fameux trésor est une illusion, transitoire, est une illusion. L'argument de Smith est tout à fait différent. L'argument de Smith, c'est de dire que la jalousie commerciale n'a aucun sens parce que la division du travail. Il existe un enrichissement réel qui ne dépend pas, simplement de l'excédent des champs extérieurs, qui ne dépend pas de ça du tout. L'enrichissement dépend de la division du travail. La division du travail dépend de l'étendue du marché. Et la jalousie commerciale restreint l'étendue du marché, donc restreint la division du travail, donc restreint l'enrichissement. Ça, c'est un argumentaire totalement différent. Et c'est pas parce que c'est contre le droit de douane que c'est du libéralisme économique. C'est vraiment trop facile. Enfin, je veux dire, ça, c'est trompeur. C'est des arguments complètement différents.